Camouflage. Le surlendemain, c'est le grand jour. Bien sûr, je n'ai pas dormi de la nuit, me tournant, me retournant, imaginant les pires scénarios. Lila m'a fait un massage des épaules ce matin. Il paraît que je ressemblais à un porte-manteau. Je suis ressorti de la séance quelque peu décontracté. Tout est prévu. Nous irons là-bas en fin de matinée. Je me suis douché deux fois, couvert de sueur. Lila m'a donné trois cachets, des calmants légers, paraît-il. Et il se trouve que cela a déjà fait de l'effet. Je vais mieux. Le costume s'est révélé un peu court pour moi. Il faut que j'évite de lever les bras en l'air afin qu'on ne voit pas mon nombril, que je fasse des petits pas aussi. Sinon, il va forcément craquer quelque part. En revanche, il est très beau et les chaussures me vont parfaitement. Lila m'a trouvé de jolies chaussettes à motifs et c'est tant mieux, car le bas du pantalon ne les couvre pas parfaitement. Comme le chapeau est trop grand, mon habilleuse en chef a bourré du papier journal à l'intérieur. À condition que je n'agite pas trop la tête, cela tiendra. Danka vient d'arriver. Trop curieuse pour rater ça, elle n'est pas partie avec l'Olek chez ses parents. Je vais te dire, Miloche, ça m'arrange un peu. J'aime bien mes beaux-parents, mais au bout d'un week-end, je sature quelque peu. C'est elle qui va nous amener là-bas en voiture. C'est elle aussi qui achètera le dernier livre de G à la librairie pendant que nous ferons la queue. En effet, j'ai refusé que Lila me lâche la main pendant toute la durée de notre attente dans le magasin. Danka aussi veut une dédicace pour elle. Je serai entouré. Elles s'entendent bien, ces deux-là. C'est une bonne chose parce que je n'ai pas d'autre ami à offrir à Lila. Danka a amené, comme prévu, des grosses lunettes cerclées de monture grise, ainsi qu'une moustache postiche. Je vois qu'elles ont toutes les deux du mal à se retenir de rire, ce qui me met mal à l'aise. Je pose les grosses lunettes sur mon nez et je remarque les efforts que font les deux amies pour rester sérieuses. Baissant le visage vers le sol, elles respirent profondément, comme pour évacuer leur oxygène joyeux. Je bascule la tête en arrière pour me coller la moustache sous le nez. Quand je retrouve ma position naturelle, je suis pris sous une averse de postillons. C'est une véritable explosion de rire. J'ai l'impression de braver les embruns par un jour de forte tempête, debout sur la pointe du rat. Les deux mouettes se tiennent les côtes en poussant des cris, me montrent l'intégralité de leurs dents en ne cessant de s'excuser. Assez vexé au début, je dois dire, je suis vite contaminé par l'avalanche de rires et je tressaute un peu des épaules à mon tour. Les éclats se sont un peu calmés quand je décide d'aller me voir dans le miroir. Je reviens en concluant que « Oui, c'est vrai que ce n'est pas terrible, terrible. » Et le manège est reparti pour un tour. Lila et Danka me crient d'arrêter, entre deux sanglots. Elles n'en peuvent plus. Elles ont mal partout, paraît-il. Elles vont l'une après l'autre aux toilettes, car chez les filles, le centre du rire est très proche de la vessie. Tandis qu'elles s'affalent dans un fauteuil, épuisées, les larmes aux yeux, je reste planté debout dans mon imperméable et mon costume court, les bras pendants de chaque côté de mon corps, myope et moustachu. Les béquilles ne sont plus qu'un accessoire parmi d'autres. « Tu veux pas juste enlever la moustache ou le chapeau ?» me propose Lila en s'essuyant les yeux du dos de la main. « C'est ça, ou je n'y vais pas, » lui réponds-je. Car des fois, il faut rester ferme sur ses positions. Cela dit, je n'emmène pas large dans mon accoutrement ridicule, fruit de mes réflexions à caractère inapparent, fomenté dans le but de faciliter mon insertion temporaire en société par cette journée d'automne cruellement ensoleillée. J'aurais mille fois préféré une météo brumeuse à souhait, où tout se perd dans un halo vaporeux qui grignote les détails des physionomies. Les deux amis ont disparu dans la salle de bain afin de se refaire une beauté, car, comme il fallait s'y attendre, le rimel a largement coulé sur leurs joues et autour de leurs yeux qu'elles ont frotté allègrement. Je les entends s'appeler Panda. J'aimerais autant qu'elles aient l'air le plus discret possible. Et je suis rassuré quand elles reviennent quelques instants après, plus que présentables, jolies même. Lila, bien sûr. Mais je constate pour la première fois le côté charmant de Danka. Peut-être ne l'ai-je jamais vraiment regardé ? Ce qui est sûr, c'est que Lila lui fait du bien en morale à elle aussi, en lui communiquant généreusement ses bonnes vibrations, ses ondes positives, illuminant de l'intérieur tout son être. Je pourrais le lui dire franchement, mais je décide qu'en tir groupé, c'est quand même plus pudique. Vous êtes très belles toutes les deux. Eh oh, tu regardes des autres filles maintenant? Me répond une Lila rigolarde, mais un peu titillée. Je constate alors que produire des compliments aux femmes n'est pas chose aisée, et je regrette de n'avoir pas mon cahier sous la main. Les pincettes que nous employons ne doivent pas être faites du même métal que les leurs. Danka accélère les choses. « Bon, les tourtereaux, va falloir y aller ?» Brusque retour à la réalité. Mon cœur veut s'échapper, mais il est cerné de toutes parts par les côtes. Je ressens une nouvelle poussée de sueur que je stoppe grâce à quelques respirations profondes par les narines. La tête me tourne un peu. Le stress, peut-être. La voiture est juste devant l'allée. Nous sortons de la maison dont je verrouille attentivement la porte. Personne en vue. Les voisins doivent être devant leur poste de télévision. Je cours de toute la vitesse de mes béquilles pour éviter qu'ils ne m'aperçoivent. Je ne voudrais pas que cela jase dans le quartier. Ce n'est pas que je sois sensible à ces choses-là, mais quand même. Je grimpe sur la banquette arrière de la petite voiture de Danka. Elle a suspendu un sapin de couleur crème à son rétroviseur. Il diffuse une bonne odeur de vanille dans l'habitacle. Les portes claquent. La conductrice tourne la clé. Le moteur fait entendre son doux rugissement. « Prêt, Miloche ?» me sourit Danka dans le rétroviseur. « Preux !» lui réponds-je d'une voix pâteuse. L'automobile se met en branle. Je n'ai pas mis les pieds dans un véhicule motorisé depuis des années, et voilà qu'en l'espace d'un mois, je me fais trimballer tour à tour par une ambulance, puis par la voiture de Danka. La vie nous réserve sans cesse des surprises. De reclus, je me métamorphose en aventurier des temps modernes.